temps ne fait rien à l'affaire. 3500 ans plus tard, les peintures égyptiennes des tombes de Louxor ont toujours l'œil velouté, le col impeccable. Mais ces noirs, ces bleus, ces ocres, d'où viennent-ils? Par quels pigments les peintres de l'antiquité égyptienne ont-ils produit des œuvres aussi expressives? Comment la technique de ces artistes a-t-elle varié au cours du Nouvel Empire? À la croisée de l'archéologie, de la physique et de la chimie, la mission que viennent de diriger Philippe Walter et Philippe Martinez constitue un travail scientifique d'exception. Il témoigne de l'expression unique et de l'esprit créatif de ces artistes de la 18e et 19e dynastie, l'âge d'or de la civilisation égyptienne. Égyptologie, la palette des Égyptiens révélée par la science, c'est le sujet archéologico-technique que nous traiterons dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Comment les rayons X, les UV, l'infrarouge, mais aussi la lumière visible peut-elle révéler dans les entrailles des tombes de Louxor des phénomènes artistiques jusque-là non décelés? Leur prise en compte peut-elle remettre en question notre compréhension de pans entiers de l'histoire de la peinture égyptienne, voire même de l'art antique? Pour en discuter, deux invités aujourd'hui. Philippe Walter, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale de Sorbonne Université. On dit le LAMS, c'est plus rapide. Oui. Et vous êtes physicien et chimiste spécialisé dans les matériaux du patrimoine. Nous sommes aussi par téléphone avec Philippe Martinez. Bonjour. Bonjour. Philippe Martinez, vous êtes archéologue, ingénieur de recherche CNRS, égyptologue et documentaliste. Et vous êtes aussi et surtout avec nous par téléphone depuis la région de Louxor en Égypte. Et comme aujourd'hui c'est l'émission transversale que nous faisons une fois par mois avec Science et Avenir, qui est donc le partenaire chéri, comme dit Nicolas Martin, le partenaire chéri de la méthode scientifique, nous sommes aussi avec Carole Châtelain, bonjour. Bonjour. Carole, vous êtes rédactrice en chef du mensuel. Et nous allons parler de Science et Avenir, parce que c'est avec Science et Avenir qu'a été menée cette entreprise un petit peu particulière que vont décrire Philippe Walter et Philippe Martinez, ce carnet d'Égypte qui a été relayé sur le site web de Science et Avenir, scienceetavenir.fr, sur les réseaux sociaux avec un hashtag qui était carnet d'Égypte, carnet avec un S. Vous allez retrouver tout ça sur le fil Twitter de la méthode FC, @laméthodefc. Mais aussi sur le fil Twitter de Science et Avenir, @science_avenir_, c'est le tiré du 8 et il y a un S à science. Alors pour commencer cette émission, moi j'aimerais d'abord qu'on cite un petit peu l'endroit où ça se passe. Philippe Martinez qui nous parle depuis Louxor pourra peut-être le faire depuis sa fenêtre, je ne sais pas. Mais enfin, cette fouille, cette campagne de fouille archéologique qui a duré pendant 3 semaines, elle se situe où, Philippe Martinez? Alors en fait, nous sommes au sud de l'Égypte, dans la région qu'on appelle le Saïd, et c'est la région où se trouvait la capitale de l'Empire égyptien aux alentours en fait de 1500 avant Jésus-Christ. Et de ce fait, c'est l'endroit où on retrouve les plus grands temples de l'époque, qui sont les plus connus comme Karnak et Louxor, mais aussi ce que les Égyptiens anciens appelaient les châteaux de millions d'années, qu'on a longtemps appelé temples funéraires, mais en fait c'est des choses beaucoup plus compliquées que ça. Ce sont des temples qui sont dédiés en fait à la transformation du roi en un dieu. Et tout proche, à quelques encablures, parce que là la mission française de Thèbes travaille sur le temple de Ramsès II, le Ramessium. Et bien juste derrière le Ramessium se trouve une colline qui s'appelle Sher Abdel Gourna, qui est truffée en fait de centaines de tombes. Et quand on parle de tombes en Égypte ancienne, il y a la partie où se trouvait en fait le corps momifié du défunt, mais il y a aussi une partie qui était publique, qui était ce qu'on appelle la chapelle qui est la plupart du temps décorée. Et c'est ce qui a retenu notre attention, c'est que une grande partie de ces chapelles sont peintes, et peintes de peintures qui sont restées relativement intactes. Quelle personnalité était enterrée dans ces tombes qui sont situées donc à proximité du Ramesséum, Philippe Martinez? Alors il faut pas se tromper, hein, quand on parle de tombes égyptiennes, de nécropoles égyptiennes, en fait il faut penser en fait à des grands cimetières qui sont des cimetières de nobles, hein, un petit peu comme le Père Lachaise à Paris. Ce sont des gens qui sont près de la famille royale. La plupart du temps, ils ont même fait partie d'une école spécifique qu'on appelle le CAP, qui est l'école où était en fait élevé le roi. Donc ce sont des gens qui connaissent le roi depuis leur petite enfance. Et on peut penser que, d'une certaine façon, avoir une tombe de ce type-là est un privilège qui leur est offert par le roi lui-même. Et ces tombes, elles ont des points communs architecturaux, ou en tout cas au niveau de la décoration. On peut rentrer à l'intérieur, et donc ce qu'on y voit, ce sont des peintures, Philippe Martinez? Donc en fait, comme je vous l'ai dit, la partie chapelle est ouverte, et elle est liée en général à une cour, puisqu'il y a aussi des rituels qui se passent sous le soleil. Le soleil égyptien est vraiment omniprésent jusque dans le monde funéraire, et en fait, la partie visitable, elle est visitable. On peut le penser par la famille qui se rend sur la tombe plusieurs fois par an, mais surtout par un prêtre funéraire qui vient assumer tous les jours le culte devant certaines parties spécifiques qui sont ce qu'on appelle la stèle funéraire, la fausse porte. Ce sont des endroits qui permettent une communication directe avec l'au-delà, avec une partie de l'être humain du défunt qui s'appelle le bas et le ka, qui sont en fait deux énergies différentes. Ces énergies, pour exister, elles ont besoin en fait d'être nourries, elles ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Et en fait, le but de la chapelle, c'est avant tout ça, la tombe est, on va dire, la maison du défunt, et la chapelle, c'est l'appartement où on va en fait prendre soin d'eux, surtout par l'apport en fait quotidien d'offrandes. Alors là, on va parler d'une mission qui a duré 3 semaines. Philippe Walter, il y a depuis longtemps des travaux d'expertise qui sont faits autour de ces tombes TBN. C'est la mission MAFTO, si je ne m'abuse. Oui, la mission MAFTO, donc mission archéologique française de Thèbes Ouest, est une mission dirigée par Christian Leblanc, un égyptologue français, et qui étudie, restaure notamment le temple associé à Ramsès II et sa tombe, qui est malheureusement en très mauvais état suite à toute une série de coulées de boue à l'intérieur de cette tombe il y a sans doute environ 2000 ans. Et dans le cadre de cette mission, qui est associée au LAMS, à mon laboratoire, on a décidé il y a quelques années, on a commencé cette expérience il y a 4 ans, de réfléchir à comment étudier tout ce qui concerne Ramsès II. Et c'est vrai que ces tombes de ces nobles, de ces dignitaires de cette époque-là, sont situées à quelques dizaines de mètres. Donc il y a une proximité énorme entre nos deux missions. Mais notre mission ne fouille pas, elle documente, elle étudie des tombes déjà connues depuis longtemps. Ces tombes ont déjà été explorées, certaines ont déjà été documentées. Mais on essaye, par un nouvel apport de technologies d'imagerie, d'analyse chimique, d'avoir un nouveau regard, d'aller au-delà de l'iconographie et de comprendre mieux les pratiques artistiques, éventuellement leurs évolutions, en tout cas leur variété. On va voir en quoi consistent alors ces nouvelles techniques et la façon dont vous avez travaillé. Mais Carole Châtelain, ce qui est particulier ici, c'est aussi la forme et la démarche de ces chercheurs qui viennent voir Sciences et Avenir en disant « on a envie de s'exprimer différemment ». Oui, lorsque Philippe Martinez et Philippe Walter sont venus nous voir pour nous proposer de faire un carnet de fouilles sur notre site, qui est un site à très fort trafic puisque c'est le premier site scientifique français et nous avons beaucoup de followers, et notamment nous avons des pages Facebook qui ont par exemple 2 millions de followers. Donc ça nous a semblé vraiment très intéressant de tenter l'expérience et l'expérience était compliquée puisque Philippe Walter et Philippe Martinez se sont engagés à faire un carnet par jour, donc sur cette période, et ça c'est vraiment beaucoup de travail. Mais vous nous avez expliqué, Philippe Walter, la raison pour laquelle vous vouliez le faire, c'est que vous vouliez avoir accès directement au public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de passer par un canal tel que un site internet grand public ? C'est sûr que notre activité scientifique débouche d'abord dans des publications scientifiques pour nos collègues, égyptologues, scientifiques, historiens de l'art, historiens des techniques. Mais il nous a semblé ici important, vu le sujet, ce sujet particulièrement attrayant de ces peintures formidables de ces tombes en Égypte, et puis le fait qu'on sait aussi de la physique, de la chimie, des sciences dures, qu'on a parfois du mal à raconter davantage au public, c'était une opportunité, sous forme de carnet, de raconter ce qu'on voyait chaque jour. Raconter ce qu'on voyait chaque jour, ou ce que on pouvait en déduire, ou comment on pouvait réfléchir à toute une série de sujets liés à ces peintures, parce qu'on faisait ces travaux au jour le jour. Philippe Martinez, cette nouvelle façon de raconter la science, ça montre en creux qu'il y a quand même un malaise avec l'expression scientifique classique dans les publications qu'on connaît tous. Je vais vous dire qu'il y a un double malaise. Il y a un malaise avec les publications scientifiques qui sont, il est vrai, extrêmement compliqués et peu abordables. Et d'un autre, d'autre part, surtout en langue française, parce qu'en langue anglaise, cette distance n'existe pas ou existe moins. En fait, je dirais un problème d'expression des scientifiques dans des publications destinées au plus grand public. Donc en fait, le grand public a souvent accès à des choses qui sont sans doute intéressantes, mais soit qui ne sont pas très scientifiques, soit qui sont tout simplement anciennes. Et donc, si vous voulez, notre idée, et c'est ce qu'on essaye de faire au jour le jour au sein du LAMS et de la MAFTO, c'est en fait que la science qu'on fait au jour le jour, hein, parce qu'au jour le jour, il y a des fouilles qui sont dans le temple du Ramesséum, et puis au jour le jour, nous, et en fait, il y a des mesures qui sont et un regard qui est porté, et bien en fait, que ça soit ce regard-là, ces mesures-là, ces résultats de fouilles qui soient donnés directement au grand public plutôt que des choses qui sont anciennes et qui souvent, d'une certaine façon, c'est notre impression à nous, en fait, ne colportent que des choses qui ont déjà été dites sans vraiment les vérifier, sans les, et en fait, en les répétant sans trop réfléchir. Et nous, je dirais, on n'est pas plus intelligent que les autres, mais au moins, on essaye de regarder et de réfléchir pour aller vers quelque chose qui soit peut-être un petit peu plus près d'une réalité qui est toujours extrêmement complexe. Et c'est sans pour ça que les publications scientifiques sont d'un accès compliqué, pas seulement parce qu'on y parle de hiéroglyphes, choses comme ça, c'est parce qu'en fait on a toujours tendance à vouloir mettre les choses dans des boîtes qui sont une simplification, et il faut qu'on sorte de cette simplification de façon intelligente pour pouvoir passer beaucoup d'informations qui en général est ignorée à un public plus large. Carole Châtelain. Alors, vous nous avez permis d'avoir accès à 18 carnets de fouilles, 18 publications qui ont eu lieu jour après jour sur notre site. Philippe Martinez et Philippe Walter, quelle a été la difficulté pour vous de vous adresser comme ça quotidiennement à un public qui n'est habituellement pas directement le vôtre, donc le grand public ? C'est certain que on avait dans notre journée de travail d'abord le travail dans ces tombes, notre travail normal, notre travail de vérification que nos données sont bonnes et de commencer à les regarder, puis de ce travail d'écriture que l'on faisait tous les deux Philippe, on est une équipe plus large, hein, mais on s'y est consacré beaucoup de temps en fin de journée ou le soir ou parfois au petit matin avant de partir sur le terrain sur le coup de 7 heures du matin. Donc c'était une expérience particulière. Un chercheur ne se met pas dans la peau d'un journaliste. On cherchait pas à faire non plus des articles de journaliste. On cherchait à décrire et aussi à interviewer nos collègues pour avoir quelques états d'âme, voir un peu la sensibilité que peut avoir un chercheur des sciences dures, par exemple, par rapport à ses observations. Une autre collègue spécialiste de Nicolas Poussin qui était avec nous et qui a porté ce regard sur la peinture du XVIIe siècle, qui a tant découvert d'ailleurs ce qui se faisait dans le monde antique et notamment en Égypte à cette époque-là. Donc notre difficulté est d'essayer de raconter ça, d'y passer le temps qu'on pouvait pour essayer de dormir quand même un petit peu. Philippe Martinez, la journée type, c'est quoi? Alors le matin, on est dans la tombe parce qu'il fait encore frais, on engrange les données, et puis l'après-midi, eh ben, on retourne à la base et on écrit? Voilà, pour ce qui est de l'organisation de la journée, on est en fait à des vieilles traditions et puis aussi au rythme de l'administration égyptienne, puisqu'en fait on travaille en collaboration étroite aussi bien avec le centre de documentation qui se trouve au Caire, qui a été créé en 68 avec le CNRS, et puis aussi avec les inspecteurs qui en fait s'occupent de gérer les monuments aussi bien d'un point de vue touristique que d'un point de vue scientifique. Et donc en fait le travail la plupart du temps se fait assez tôt, et aux alentours de 7 heures, et on s'arrête en début d'après-midi. Et durant en fait ce qui est finalement une journée assez longue, on voit souvent pas mal de choses très différentes, et puis on doit aussi gérer des choses très différentes. On a besoin tout d'un seul coup de trouver trois morceaux de bois pour essayer passer par-dessus un puits, puisqu'en fait les tombes sont en fait truffées de puits qui peuvent être datées de la période de construction ou datées d'un moment où la tombe a été réutilisée, parce qu'en fait ces monuments, on a l'impression qu'ils sont toujours inscrits pour l'éternité, mais en fait ils passent aussi en fait de main en main, de concession funéraire en concession funéraire. Donc on a besoin d'organiser la vie en fait dans la tombe de chacun, et à côté de ça, une fois qu'on rentre, une fois qu'on souffle un peu, mais en fait tout en continuant à réfléchir, parce que chaque jour amène en fait sa récolte de nouveaux sujets, surtout de nouvelles questions, hein. C'est un peu le problème de la recherche, c'est qu'en fait on part pour essayer de trouver une solution à un problème, et en fait en trouvant peut-être un début de solution, on lève trois ou quatre problèmes différents. Et donc là, c'était un petit peu le souci qu'on avait en termes d'écriture, c'était à la fois de choisir parmi tous ces éléments-là, Il y a eu un peu une mode du bloc archéologique, et la plupart du temps, les collègues, je ne vais pas dire se contentent, parce que c'est un état d'esprit, et en fait, on voit que le public a beaucoup d'intérêt de ça, de simplement raconter la journée. Et puis nous, on a plutôt essayé de dégager un sujet qui était parmi nos sujets de questionnement du jour. Comme on l'a vu, il y en avait qui ont accroché un peu mieux le public, et d'autres qui, au contraire, ont pas vraiment déchaîné l'enthousiasme. Donc ça nous a intéressé aussi. Et puis donc de là, essayer aussi de faire le tri dans l'information, parce qu'en fait il y a des choses qui sont très excitantes pour nous, mais qui bien sûr sont un peu plus difficiles à saisir pour un public qui n'est pas du tout habitué à regarder les choses un petit peu par le petit bout de la lorgnette comme on le fait. Donc là encore une fois, ne pas dégager des grandes généralités qui sont répétées à foison, mais choisir un sujet d'intérêt sur lequel on peut se focaliser sans être entre guillemets trop sec dans notre façon d'en parler. La méthode scientifique, Olivier Lascar. À 16h16, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique sur France Culture. Nous sommes en compagnie du physicien et chimiste Philippe Walter, de l'archéologue Philippe Martinez, qui est au téléphone avec nous depuis Louxor, et de Carole Châtelain, rédactrice en chef du mensuel Science et Avenir, puisque c'est l'émission qui est faite en partenariat avec Science et Avenir. Alors, dans le film Quai des Brumes, le peintre dépressif qui était joué par Robert Le Vigan disait qu'il avait le pouvoir, malheureux pour lui, de voir les choses cachées derrière les choses. Aujourd'hui, avec l'imagerie scientifique, on peut voir l'image qui est cachée sous l'image, Philippe Walter. Oui, en effet, ce sont d'ailleurs des choses qui se répètent quand on étudie des peintures de chevalet depuis très longtemps. Et on se rend compte qu'un peintre, à un moment donné, a réutilisé une toile. Ça a été récemment montré, par exemple, sur des tableaux de Van Gogh, où il y a d'autres tableaux de Van Gogh sous un tableau de Van Gogh. Ça, c'est la question des palimpsestes, non, c'est ça? C'est le problème de palimpsestes, et ce problème de réutilisation aussi par un artiste d'un support qui ne l'intéressait peut-être plus, parce que son œuvre ne lui plaisait peut-être plus. Dans le cas de l'Égypte, c'est le cas également. On se rend compte qu'il y a de nombreuses corrections. Mais c'est pas tout à fait le même type de discours, puisque le projet artistique n'était pas le même. C'était une petite chapelle où allaient se dérouler ces rituels et où étaient représentées toute une série d'activités qui étaient symboliques de la vie quotidienne du défunt, mais également des activités très liturgiques par rapport au devenir de l'âme. Carole Châtelain. Alors, au cours de ces missions, vous avez fait quelques découvertes sur la façon dont les, peut-on dire, les peintres ou les artisans, vous nous ferez d'ailleurs une petite explication là-dessus, ont travaillé. Notamment, vous avez découvert que certaines couleurs, sous certaines couleurs, il n'y avait pas de support. Elles étaient peintes directement sur la paroi, tandis que d'autres jouissaient d'une préparation particulière. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Et premièrement, pouvez-vous nous expliquer justement la différence, Philippe Walter, entre peintre et artisan? Peintre, artisan, artiste, c'est une conception très moderne des choses. Peintre, absolument, puisqu'ils ont utilisé des couleurs qu'ils ont déposées pour faire ces images. Artisan ou artiste, ben c'est ce continuum entre des activités qui peuvent être relativement standardisées, avec un grand savoir-faire, ce que nous on considère le plus souvent comme le travail d'un excellent artisan, et puis l'artiste qui va éventuellement innover, changer les règles, changer sa façon de faire. Donc quand vous parlez de ces couches de préparation très soignées que l'on voit parfois, avec des très beaux fonds blancs sur lesquels les couleurs seront sans doute encore plus éclatantes, on a un travail d'artisanat, on va dire, qui est très élaboré, très soigné. Parfois, ils vont peindre directement sur ce qu'on appelle la mouna. La mouna, c'est le limon du Nil avec de la paille, une sorte de terre crue qui est mise sur la paroi et qui nous paraît aujourd'hui beaucoup moins belle. Mais pourtant, on se rend compte que des œuvres artistiques, au sens d'imaginaires nouveaux, d'autres façons de représenter, peuvent être faites sur la mouna, tout aussi bien que sur ces couches de préparation blanches très soignées. Donc tout se mélange. Et aujourd'hui, on a étudié maintenant un peu plus de 10 tombes. Cette année, on en a étudié 7. Mais dans les missions précédentes, on avait commencé quelques autres études. On se rend compte qu'on a beaucoup de mal à trouver des conclusions. On étudie des œuvres qui ont été réalisées sur une période autour de 1500 avant notre ère jusqu'à 1200, 1100 avant notre ère. Donc 3-4 siècles, ça paraît très peu dans l'histoire de l'Égypte. Mais pourtant, on se rend compte qu'il y a des choses formidables et incroyablement variées et qu'on peut avoir envie de dire « mais c'est des sacrés artistes ». En tout cas, souvent, ils se sont lâchés, c'est ce qu'on dit parfois tous les deux, pour faire une œuvre artistique majeure. Et à d'autres endroits, on a l'impression de voir les images très classiques, très souvent documentées. Philippe Martinez, votre travail n'a pas pu mettre au jour une sorte de méthodologie commune entre ces artistes? Alors, ça c'est véritablement une question à laquelle qui a été posée depuis très longtemps, et finalement, on n'a toujours pas, je dirais pour moi, de réponse satisfaisante. La question, c'est même de savoir, comme vous le voyez, on a du mal à définir qui sont ces personnages. L'impression qui se dégage aujourd'hui, c'est que pour un Égyptien ancien, l'artiste supérieur, en fait, c'est quelqu'un qui manie le don d'écrire. C'est en fait un scribe, et un scribe que les textes appellent le scribe des contours, c'est un scribe dessinateur. Donc de toute façon, c'est avant tout un scribe, c'est quelqu'un qui sait écrire, et pour l'Égypte ancienne, c'est une toute partie de la population. Les gens qui savent lire et écrire, on estime que c'est peut-être au grand maximum 8% de la population. Donc ça vous montre que de toute façon, on fait partie d'une certaine façon d'une intelligentsia. On n'est pas, je dirais tout à l'heure, vous parliez d'un artiste maudit, cette notion-là, je ne sais pas du tout si elle existait en Égypte ancienne. À côté de ça, l'idée qui jusque-là est celle qui est transmise par différentes générations de recherche, c'est que on aurait donc la mise en place d'une approche extrêmement normative avec une sorte de quadrillage qui permettrait d'agrandir un sujet qui aurait été fait, je dirais, à petite taille sur la paroi qu'on désire mettre en forme. Ça, déjà, aujourd'hui, on est capable de dire que c'est sans doute une vue de l'esprit. Les quadrillages, on les retrouve, mais on s'aperçoit que souvent, l'artiste, en fait, s'en libère assez rapidement. Il est sans doute utilisé pour, on va dire, les parties les plus importantes de la décoration, et donc ça nous permet de voir qu'il y a une hiérarchisation dans le travail, sans aucun doute. Pour les parties les plus importantes, qui sont les représentations, on va dire, en majesté du dessin, eh bien là, souvent, on colle, en fait, à la formulation par le biais d'une norme qui correspond, en fait, à une taille de distance entre, par exemple, le sol et la cheville, l'œil et le nez, ainsi de suite. Donc on va avoir une figure qui va se développer en fonction de cette norme. Et puis, pour on va dire les parties plus subsidiaires, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, le dessinateur va d'une certaine façon s'en libérer plus ou moins. Et puis après ça, une fois qu'on a passé ce stade du pur dessin, eh bien là, c'est là qu'on a le travail du peintre. Et encore une fois, on a l'impression que le peintre est un personnage secondaire. C'est comme s'il venait simplement remplir de couleurs, en fait, les cases déjà mises en place par le dessinateur. Carole Châtelain. Pardon. Carole Châtelain va vous poser une question. Oui, Philippe, en tout cas. Peut-être. L'intérêt de votre mission, c'est aussi qu'elle est pluridisciplinaire. D'ailleurs, elle est assez féminine. Vous aviez beaucoup de scientifiques femmes au sein de cette mission. Et de ce fait, vous avez pu faire des rapprochements. Et je pense là à la question que sans doute tout le monde se pose à propos de la peinture égyptienne. C'est, on se dit, et Astérix est passé par là, il dessine toujours de profil. Pourquoi dessinait-il toujours leur personnage de profil, et vous apportez une réponse dans vos carnets en disant que c'est sans doute une vision purement conceptuelle de l'homme, et vous rapprochez cela du mouvement cubiste. Alors c'est ça qui est intéressant, j'aimerais bien que vous nous explicitiez ce que vous entendez par version purement conceptuelle, et puis en quoi on peut comparer les peintures de l'Égypte antique et le cubisme. Philippe Walter. Donc peinture conceptuelle, cette manière de représenter l'être humain existe en Égypte depuis les premières représentations dans les pyramides. Et donc, en effet, c'est un concept qui s'est imposé et qui est resté, qu'on peut peut-être pas parler directement de cubisme de ce point de vue-là, même si l'image est là, la vue de profil et puis le corps vu de face. Là, on a été perturbé, c'est dans la tombe de deux artistes, là aussi, Ipuki et Nebamon, où on a vu tout d'un coup apparaître une palette qui n'a pas été commenté jusqu'à présent, et cette palette est vue de face, même si la personne la tient dans la main, donc elle est vue comme si il la tenait sur le côté et que la peinture devait tomber. Bizarre, mais le peintre, dans ce cas-là, a voulu représenter sur le côté les deux taches, rouge et noir, correspondant à deux couleurs d'encre, mais vues de profil. On a dit, mais c'est incroyable cette image. C'est comme les corps, en effet. C'est comme du cubisme. On a l'impression qu'il veut le représenter dans les deux sens pour montrer qu'il y a aussi un conteneur avec une matière, ce qui n'est pas la tradition. On n'a aucune autre image de ce genre-là. Donc quand je dis que de temps en temps, on voit des choses complètement inhabituelles, inédites apparaître, en fait, il y en a une multitude. Presque chaque tombe a son petit chef-d'œuvre, son petit dessin préparatoire où on voit ce geste impulsif de création où il cherche le bras de la jeune fille qui tient un instrument de musique et il en met 7 ou 8 pour trouver la bonne position. Et il n'a jamais mis en couleur cette partie-là. On ne sait pas pourquoi. Et toujours dans l'Égypte, on est toujours avec des informations extraordinaires grâce à la conservation des œuvres. Et puis avec la déception qu'on ne sait pas pourquoi. Et qu'il ne faut pas trop rêver. Et c'est là où notre démarche interdisciplinaire, chacun explique à l'autre, fais attention, t'as pas le droit de penser comme on pense pour l'histoire de l'art du XVIIIe siècle, t'as pas le droit de penser comme un chimiste tout simplement, parce qu'ils ont aussi des pratiques techniques qui sont pas les mêmes, et ainsi de suite. Et l'interdisciplinarité est fondamentale dans ce regard également. Philippe Martinez, cette question du dessin de profil des Égyptiens, elle est passionnante. Vous lui consacrez un épisode entier de ses carnets d'Égypte. On va mettre le lien du papier sur le fil Twitter de la méthode scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est à la fois une méthode pratique de représentation du monde. C'est celle qu'utilisent les artistes, comme l'a dit Philippe, en fait, depuis des millénaires déjà, à l'époque où nous regardons en fait ce que font les peintres. Et l'impression qui s'en dégage, c'est que l'Égyptien est entouré, comme nous tous, d'un monde en trois dimensions, et il doit en fait le limiter à une paroi ou à un papyrus qui ne sont qu'en deux dimensions. Donc il est bloqué par le fait qu'il va devoir dessiner, ce qui est son mode d'expression le plus courant, mais donc il va faire le choix de dessiner les choses non pas comme on le dit trop souvent de façon réaliste. Souvent on dit que l'art égyptien est très réaliste parce que un lapin a des poils et des oreilles, ainsi de suite. Donc ça c'est ce qu'on envisage comme le réalisme. Mais en fait il n'y a rien de moins réaliste que l'art égyptien, puisqu'en fait l'art égyptien est une retranscription la plus complète possible. Pourquoi est-ce qu'elle va être la plus complète possible? Parce qu'en fait elle est avant tout, on va dire, d'essence magique. La représentation, elle est censée prendre vie. Le monument va subir un rituel lui-même qui va faire que les représentations vont devenir vivantes pour un temps normalement qu'on perçoit nous comme éternel. Et en fait, quand le prêtre vient faire offrande devant la statue, devant la représentation, il ne se dit pas que c'est quelque chose de mort et qu'il va finalement repartir avec les restes de l'offrande pour le donner à sa famille. Lui, il sait qu'il est en relation directement avec des énergies cosmiques finalement dont tous les êtres vivants sont habités. Et il va pouvoir s'adresser à des représentations qui sont vivantes. Donc, pour que ça soit vivant dans les meilleures conditions, il faut que, surtout pour un être complexe comme, en fait, l'être humain, eh bien, en fait, le rendre de la façon la plus complète possible. Pour prendre un tout petit exemple qui nous ramène vers le cubisme est célèbre dans le monde entier pour la façon simple dont il représente une table. Vous allez avoir la table qui va être représentée comme une surface plane sur laquelle on voit être posés des objets de profil. Et bien en fait, pour l'Égyptien ancien, ça va être exactement la même chose. La table, elle va consister de deux pieds, parce que c'est ce qui lui permet de tenir. Vous allez ensuite avoir le plateau à plat. Et puis en fait, encore pire que dans le cubisme, les objets vont être posés sur le haut du plateau. Et même quand ils habitent contenant comme d'un vase, on va voir la représentation de l'eau au-dessus du vase. Et en fait, pour l'être humain, c'est la même chose. On va découper cet être en parties dans la visualisation pour que chaque partie soit représentée dans sa méthode, dans son approche la plus complète possible, pour que l'être puisse en fait être vivant de la façon la plus complète possible pour l'éternité. Carole Châtelain. Vous donnez dans vos carnets de fouilles un chiffre assez étonnant aussi. Vous dites que pour réaliser un temple, vous avez calculé qu'il fallait 1400 kilos de pigments bleus, notamment. Parce que votre travail, on n'a pas encore parlé technique, mais a consisté à aller analyser ces pigments, ces matériaux qui étaient répartis sur les murs. Donc Philippe Walter, comment est-ce que vous avez travaillé, avec quel instrument, et qu'est-ce que vous avez découvert de cette palette de couleurs de l'Égypte ancienne? Donc on étudie ces peintures, on les analyse uniquement avec des outils transportables, puisqu'il faut le faire directement in situ sur place, et d'analyse non invasive, puisqu'il n'est plus question aujourd'hui de faire des prélèvements. On en a fait dans le passé, aujourd'hui on essaie de les minimiser au maximum pour conserver ce patrimoine exceptionnel le plus longtemps possible. On n'a pas le droit, le gouvernement égyptien ne le permet pas. Le gouvernement égyptien le permet, mais il veut des collaborations avec des laboratoires locaux. Il ne permet pas l'exportation. Autrefois, beaucoup de chercheurs prenaient des échantillons français, américains, de n'importe quel pays sur place, et le ramener dans leur laboratoire et faire des tas de thèses. Mmh. Là, ils disent non, faites-le avec nous si vous voulez le faire. Nous, je pense que réellement, on peut faire déjà tellement de choses sans prélever que c'est un enjeu extrêmement intéressant, et c'est ce qui nous permet de démultiplier les tombes et d'étudier tous ces mélanges de couleurs. La palette des Égyptiens, de ces peintres de cette époque-là, était limitée à un petit ensemble de couleurs, une dizaine, c'est tout, une dizaine de matières premières. Et ce qu'on se rend compte là dans nos études, et ce qu'on voit de plus en plus, c'est la précision qu'ils pouvaient avoir pour essayer de créer des nuances. On n'est pas encore capable de l'expliquer jusqu'au bout. Mais on s'est rendu compte, par exemple, dans une carnation d'une femme, alors pareil, les codes, Les femmes sont représentées avec une peau plutôt jaune en général et les hommes avec une peau plutôt rouge sombre. C'est un code. On regarde très près. On fait des analyses d'abord. On se rend compte que ce jaune est composé de pigments à base de fer, d'arsenic, qui contient un peu de cuivre. On regarde, on se rend compte qu'ils ont mélangé deux pigments jaunes, l'un à base de fer, l'autre est d'arsenic, et qu'ils ont rajouté un peu de pigment bleu égyptien, ce pigment de synthèse avec du cuivre, sans doute pour donner une petite nuance différente. Et là, ils deviennent de véritables artistes qui réfléchissent à la couleur, et pas juste qui colorient avec une codification, un dessin soigneusement établi sur un carroyage. Et ça, on s'en rend compte, on le documente, et tombe après tombe, analyse de corps après analyse de corps, on est en train de comprendre cette variabilité, en tout cas de l'observer. Donc c'est ces outils d'analyse non invasive qui nous le permettent. Philippe Martinez, sur une des tombes, vous avez ainsi, comme le dit Philippe Walter, identifié une technique assez sophistiquée de peinture qui a trait au clair-obscur presque, non ? Où on voit, on devine le velouté d'un voile sur une peau. Alors ça, c'est pour nous vraiment une grande découverte, et je dois vous le dire encore plus pour moi, parce qu'en fait, on a travaillé il y a maintenant quelques années sur des monuments que je pensais connaître. Hein, ça faisait partie de mon activité. J'avais même guidé des gens, j'avais lu des publications. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit de l'intérêt, bien sûr toujours souligné, mais encore plus vivant chez nous, de l'interdisciplinarité. C'est qu'en fait, quand je me suis perçu comme faisant partie d'une mission mêlant de l'archéologie et des chimies, je suis allé m'installer tout seul dans les tombes pour, en fait, entre guillemets, paraître plus intelligent. Mais c'est surtout que je me suis, en fait, pour la première fois, confronté à ces œuvres d'art, non pas comme des livres qu'il fallait que je lise, des choses écrites en hiéroglyphes, des scènes compliquées où on voyait des dieux faire des choses, ainsi de suite, mais cette fois-ci, simplement, d'essayer de voir comment l'artiste était, en fait, donné du mal, tout simplement, pour représenter les choses complexes dont on parlait. Et là, je me suis trouvé face, en fait, à des poncif, le fait de se dire il y a des choses qui sont transparentes, à telle époque c'est plus prégnant que d'autres, ainsi de suite. Mais là, de voir un petit peu comment l'artiste s'était donné les moyens de le faire. Et on s'est aperçu là, dans la tombe, pour l'instant extraordinaire, notre travail maintenant c'est de démontrer, de savoir si c'est un exemple unique, un chef-d'œuvre particulier fait par un artiste extrêmement spécifique, ou si au contraire c'était des choses qu'on n'avait pas perçues parce qu'on n'avait pas regardé. Ça, c'est vraiment une notion, là, quand on dit que je suis documentaliste, l'idée c'est de créer des documents, mais en fait c'est surtout de regarder, et en essayant de regarder, enfin de voir. Ça, c'est une notion basique, mais l'archéologie, ça repose en fait sur la vue. Et au-delà de ça, l'idée c'est à ce moment-là de s'apercevoir que la transparence, elle n'est pas simplement rendue par une sorte de lait pictural qui viendrait recouvrir une couleur, mais en fait il y a toute une recherche pour évoquer comment elle se fait sur un corps qui est un corps, comme on l'a vu, qui est un corps aplati sur la paroi, mais qui est un corps qui en fait a toute une géométrie, une prise en fait d'importance dans l'espace. Et là, on s'est aperçu, et on est encore en train de réfléchir là-dessus avec l'ensemble de l'équipe, que on était cette fois-ci un peu après 1300 avant Jésus-Christ, et qu'on avait des effets qui était jusque-là envisagé plutôt comme la grande peinture grecque du 6e, 5e siècle, avec des effets qui cherchent à rendre les choses de façon naturelle. Et donc là, encore une fois, on est en pleine recherche là-dessus. Mais par exemple, on a un modelé sur, alors que la peinture égyptienne comme a toujours été décriée et décrite comme totalement pleine, plate, eh bien en fait, loin de cet aspect plat, en fait, on a toute une recherche pour donner un modelé, pour montrer qu'il y a en fait de la lumière qui joue sur les corps, avec des ajouts en fait d'un peu de peinture jaune, un peu de peinture un peu plus claire, ainsi de suite. Et ça pour nous, c'est vraiment une grande découverte. On a bed called crocodiles, oh, yeah. 16h35 sur France Culture, Walk Like an Egyptian par les Bangles. Olivier Bétard a toujours le chic pour nous trouver la musique qui va bien. Nous sommes avec Philippe Walter, responsable du LAMS, le laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale de Sorbonne Université, et avec Philippe Martinez au téléphone depuis Louxor, la région de Louxor en tout cas, archéologue, ingénieur de recherche CNRS. Nous sommes aussi avec Carole Châtelain, rédactrice en chef du mensuel Science et Avenir, puisque c'est l'émission qui est faite en partenariat avec Science et Avenir, qui a publié sur son site web les carnets d'Égypte racontant cette aventure scientifique très particulière qui vient d'être de se dérouler 3 semaines durant autour des tombes thébaines. À la fin de la partie précédente, on a commencé à parler de la technique, comment concrètement ces mesures ont été effectuées. Carole Châtelain. Oui, Philippe Walter, votre laboratoire, le LAMS, c'est un peu comme les experts. Vous avez tout dans une valise et vous vous déplacez sur place avec cette mallette magique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Donc une série d'instruments qu'on choisit parmi une panoplie qu'on a réussi à construire au laboratoire parce qu'ils sont adaptés à ce que l'on veut voir sur place. Donc ce sont des instruments pour analyser ces pigments dans ces tombes égyptiennes, des instruments à base de rayons X, mais qui sont tout petits, qui font la taille d'un appareil photo, hein, c'est tout, ou d'analyse, ce qu'on dit, d'imagerie hyperspectrale. Donc on est capable de mesurer la manière dont la lumière est réfléchie par la matière et de là en tirer aussi des conclusions sur les compositions. Au laboratoire, on a toute une série d'instruments comme ça. Donc là, on en a fait relativement peu en Égypte parce qu'on voulait documenter beaucoup de choses en relativement peu de temps. Et donc, ça rentre dans une valise. Donc typiquement, quand on est parti, on a nos bagages, on mélange nos chemises et nos affaires personnelles avec nos instruments. Et puis on part avec une petite valise qui fait moins de 23 kilos pour que la compagnie aérienne nulle accepte. Et après, on arrive sur place, on remonte tout ça. Et en quelques minutes, on a une mesure. Ce ne sont pas des mesures longues. Une mesure va prendre 1 à 5 minutes, grand maximum. Et donc on peut multiplier les regards sur ces différentes tombes, ces différentes couleurs. Vous parliez du bleu égyptien tout à l'heure, qui est un des pigments très importants et très symboliques de l'histoire de l'Égypte. C'est un pigment de synthèse. Et donc on va regarder comment il a été synthétisé par sa composition. Et on se rend compte donc qu'il y a des composés de cuivre qui ont été mélangés avec du sable, du calcaire. Mais ce cuivre, parfois il contient les impuretés naturelles des minerais de cuivre. Parfois il contient beaucoup d'arsenic. Et ça, on se dit, à ce moment-là, c'est pas le minerai qui a été utilisé, c'est le métal de l'époque, puisque les Égyptiens alliaient du cuivre avec de l'arsenic. Et étape par étape, comme ça, on avance dans cette connaissance et cette documentation matérielle. Philippe Martinez, vous, votre instrument de travail, si je puis dire, c'est plutôt l'appareil photo gigapixel ? Oui, alors moi, j'ai longtemps, en fait, dessiné, je continue à le faire, parce que l'égyptologie, en fait, une tradition qui vient de loin, qui vient, en fait, du début du 19e siècle, quand il n'y avait que le dessin. Et puis, en fait, l'égyptologie s'est rapidement emparée de la photographie, à partir de quasiment dès sa naissance, hein, au milieu du 19e. Mais, en fait, ça a été relativement limité, jusque, comme pour tout le monde, il y a une vingtaine d'années, en fait, parce que la photographie, ça coûtait cher. Coûtait cher aussi bien à produire, en fait, qu'à publier. Aujourd'hui, on est passé dans un tout autre monde, et moi, pour ma part, ça a véritablement révolutionné mon travail. Je continue à dessiner, mais je dessine, en fait, à partir de documents photographiques, ce qui est aussi une tradition longue, mais cette fois-ci, l'intérêt, c'est qu'elle peut se faire au quotidien. Et en fait, on utilise une technique qui est en train de passer au grand public quasiment dans tous les téléphones aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, en fait, la photogrammétrie. On va prendre un nombre assez important de clichés qui vont, en fait, se recouvrir les uns les autres et qui vont se recouvrir beaucoup à 75%. Et on va utiliser un phénomène optique qui s'appelle la parallaxe, qui, en fait, fait que, à partir du moment où le regard se porte sur un objet, non seulement le regard aussi bien humain que, en fait, le regard de la caméra voit ce qui est en face de lui, mais en fait, il a tendance aussi à voir sans s'en rendre compte, en fait, ce qui est, en fait, sur les deux côtés, avec une certaine déformation. Et là, en fait, après ça, une fois que les photographies sont faites, on les traite par des différents logiciels pour, en fait, tirer parti de cette parallaxe pour reconstituer, en fait, le volume de l'objet photographié. On peut avoir un modèle virtuel complet de son sujet d'étude et continuer à travailler au laboratoire. Philippe Walter, vous avez parlé du bleu. Il y a le vert égyptien aussi qui est assez mystérieux. J'ai même l'impression que certains auteurs s'interrogent, est-ce que le vert égyptien existe vraiment ou est-ce que c'est un bleu qui a mal vieilli ? Donc vert, V-E-R-T, hein, la couleur verte. Oui, parce qu'il y a aussi la matière vitreuse, le vert, aussi à ces époques-là, qui prend une très grande importance. Non, je parle bien de la couleur. Et en effet, pour cet aspect de couleur verte, qui est souvent bleutée, qui est plutôt turquoise, quand on cherche à décrire, qu'on demande à plusieurs personnes, personne ne va parler de la même couleur. En général, on considère que ce sont les mêmes mélanges que ceux qui ont été employés pour le bleu égyptien, mais qui ont été davantage chauffés. Et à ce moment-là, on obtient un autre type de matériau qui n'est pas cristallin, qui n'est pas aussi organisé que le bleu, mais qui a une autre couleur. Dans nos tombes, on se rend compte qu'ils les ont en plus mélangés avec d'autres pigments et parfois utilisé des sortes de résines, probablement, qui font qu'on a des verres qui sont devenus très sombres et très encroûtés de matière à la surface. Alors Philippe Walder, il faut dire que vous êtes vraiment pionnier en France de cette démarche qui fait que l'art est regardé avec l'œil du scientifique, avec les outils du scientifique. Aujourd'hui, c'est une méthode qui a fait Flores. Il y a d'autres labos qui ont été créés, qui existent. C'est une collaboration entre archéologues et chimistes qui améliore nettement l'étude des procédés artistiques. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous êtes allé au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France pour voir le nouvel Aglaé. Alors on va voir ce que c'est qu'Aglaé. Disons déjà que c'est un accélérateur de particules dédié à l'étude des œuvres d'art. Oui, tout à fait. J'ai retrouvé Ina Reich, qui est directrice de recherche CNRS et spécialisée en chimie. Alors, dans ses travaux, elle a étudié des objets d'art qui proviennent du site archéologique d'Amarna. C'est un site qui est à plus de 400 km au nord de Louxor, près du Nil. En fait, ce ne sont pas exactement des objets qu'elle m'a présentés, mais des fragments intermédiaires, des verres bleus transformés qui n'ont pas été terminés. Alors, ces produits sont très précieux. Pour elle d'une part, et pour ses collègues égyptologues sur le terrain, parce qu'ils témoignent d'une étape de fabrication, et donc donnent des informations sur la méthode artistique. Pour ça, elle a fait donc appel au tout nouvel Aglaé. C'est un accélérateur de particules qui s'appelle le qui est hébergé au C2-RMF, et qui permet de manière non invasive d'aller scruter la matière des œuvres d'art au niveau moléculaire. Nous étudions des objets qui viennent d'un site assez connu en Égypte, du site d'Amarna. Sur ce site, on a notamment trouvé le buste de Néfertiti et nous étudions des verres bleus. Ces verres sont d'un bleu très très profond et c'est un bleu au cobalt. Et nous, on s'intéresse donc aux techniques de production, on s'intéresse au savoir-faire des Égyptiens à l'époque. Donc on aimerait savoir d'où proviennent les matériaux, la matière première qui a été utilisée pour fabriquer le verre. Et après, on compare la composition chimique des minerais d'origine connue avec les objets du site archéologique trouvé. Et la comparaison nous permet de dire, voilà, ça c'est une source probable pour la matière première utilisée par les artisans égyptiens. Et alors là, on a des échantillons. Mmh. Vous pouvez nous dire à quoi ils correspondent et de quoi ils sont faits? Est-ce que vous avez pu en tirer comme connaissance à partir de vos méthodes d'analyse? Donc en fait, on réalise des analyses PIX et PIG. Donc c'est l'émission des rayons X par un faisceau de protons et des gamma. Donc on s'intéresse à des objets non finis. Donc c'est des objets en vert bleu. C'est un très beau bleu profond. En fait, et c'est des fragments de verre qui ont été fabriqués, mais qui sont après destiné à être utilisé pour produire du décor, pour des bijoux, etc. Donc ça, c'est un produit en fait semi-fini. Et nous, comme on s'intéresse à la chaîne opératoire, comment travailler les artisans, justement, ces produits semi-finis sont presque plus intéressants parce qu'ils sont représentatifs des différentes étapes de production. On est dans la salle de contrôle, donc où on gère en fait l'énergie des particules, etc. Il y a aussi la personne qui réalise les manips, les expériences. Donc elle contrôle tous les différents détecteurs, l'acquisition des spectres. On voit aussi l'échantillon. On peut tout contrôler d'ici. Là, qu'est-ce qu'on voit par exemple? On voit qu'il y a des tests en cours. Oui, on analyse là un verre bleu du site Amarna. Ça, c'est un spectre où on voit les éléments majeurs du verre. Donc c'est surtout, et dans ce cas-là, du sodium, du silicium et du calcium. Et après, à côté, on a un deuxième spectre. Donc, on voit tous les éléments de trace présents. Donc, bien sûr, on voit le cobalt, mais on voit aussi le cuivre, on voit le nickel, le zinc, le magnésium et le strontium. Et tout ça, c'est des éléments caractéristiques et le rapport est différent. Donc, on a les ingrédients, les proportions, voilà. Il nous manque juste la recette. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut aller voir à quoi ressemble cette nouvelle aglaé? Donc là, j'ai arrêté donc le faisceau. Donc là, il n'y a pas de problème de rayonnement et tout ça. Donc, on peut y aller. On voit l'accélérateur de particules où, en fait, on produit donc les protons qui sont envoyés sur l'échantillon. Donc là, c'est la source de protons. Après, ici, on a un accélérateur tandem. Donc, les particules sont accélérées deux fois à 3 millions d'électrons volts. Et donc, on envoie les particules accélérées qui volent quasiment à la vitesse de la lumière à travers cette ligne-là. Avec des aimants, on les focalise, on les garde sur une trajectoire et on les envoie vers la ligne du micro-faisceau extrait. En fait, c'est un accélérateur tel qu'on pourrait le trouver au LHC au CERN. Sauf qu'il a été adapté ici pour pouvoir travailler sur des objets du patrimoine. Donc, il est 100% utilisé pour l'étude des objets du patrimoine. Donc là, on a un fragment de verre bleu, vous voyez, de 3-4 cm de taille. C'est presque un déchet d'un atelier qu'on a trouvé. Mais ces déchets nous intéressent aussi parce que, voilà, justement, comme je vous ai dit, c'est des produits semi-finis. C'est une étape intermédiaire dans la production. Et donc ici, donc, on a la ligne, on pose l'échantillon, le fragment de verre très très proche devant la sortie du faisceau en fait. Et on a une table micro-motorisée qui nous permet de positionner l'échantillon d'une façon très précise parce qu'on est à de la feuille de sortie, la sortie de l'accélérateur, on est à 2 mm la distance de l'objet. Et après tout autour, on a optimisé tous les détecteurs et ça c'est en fait le développement New Aglaé que les collègues, c'est pas moi, qui ont tout optimisé pour que les détecteurs soient le plus près possible de l'objet. Et du coup, on peut analyser des éléments légers jusqu'aux éléments lourds. Donc on a vraiment un tableau assez complet d'éléments chimiques qu'on peut analyser. Et ça, c'est un grand avantage par rapport à la fluorescence X portable qui peut aller sur site. Mais ici, on a vraiment plus d'éléments avec une meilleure résolution spatiale. Et donc, on n'a pas que des rayons X émis, on a des rayons gamma. Et donc là, par exemple, on peut analyser des éléments comme le sodium et le fluor. Et c'est des éléments légers qui sont très difficiles à être analysés par les rayons X. Et en plus, on a aussi un détecteur de rétrodiffusion. Donc on a aussi en plus une autre information qu'on peut obtenir. Et tout ça, toutes ces différentes méthodes de rayons X, de gamma et de rétrodiffusion, ça se passe en même temps. Et donc on a vraiment une information très complète sur la composition chimique de l'objet. Dans la mesure où il est plus possible aujourd'hui de rapporter des échantillons d'Égypte, comment vous allez travailler ensuite sur les futures analyses? Donc en fait là, comme je travaille avec les égyptologues, c'est elles qui vont sur le terrain. Nous, on fait vraiment plutôt la partie analytique. Elles travaillent avec des méthodes portables sur site. Et nous, on continue à travailler sur des objets du musée égyptien à Berlin. Donc le terrain, en gros, pour nous, c'est la collection du musée égyptien à Berlin. Parce que là, les objets ont été sortis d'Égypte en 1914 par Borchert. Et donc pour nous, la prochaine étape, ça va plutôt être de faire d'autres analyses sur les objets de musée à Berlin plutôt que d'aller en Égypte. Philippe Walter, je disais que vous avez vraiment été à l'avant-garde de cette alliance entre la science et l'art, et à ce titre, vous connaissez bien Aglaé. Oui, quand j'ai commencé mes études, j'ai participé au montage de l'accélérateur, donc en 1989. Et c'est vrai que toutes les évolutions qu'on a faites avec ce petit accélérateur de particules, hein, t'es dit comme le LHC c'est un monstre, nous c'est une petite machine installée dans les sous-sols du Louvre, et on a inventé, fait développer toute une série de méthodes, et c'est comme ça qu'il y a maintenant 21 ans, j'ai construit un premier appareil portable d'analyse par cette méthode de fluorescence des rayons X, que j'avais déjà utilisé en Égypte à cette époque-là, et qui depuis, on l'améliore, et nos derniers développements dans ces techniques-là, on les fait avec la NASA, avec l'équipe qui, en ce moment, a l'instrument de rayons X qui est dans le rover Curiosity sur Mars. Donc, vous travaillez avec la NASA. On est aussi en plein dans ces partenariats pour aller toujours plus loin et avoir des performances analytiques qui sont adaptées aux besoins que la recherche a. Et on se rend compte que le monde de l'espace a les mêmes besoins que nous. Donc, en l'espèce, avec la NASA, vous avez développé quel type de dispositif? Donc, pareil, un même instrument. Simplement, aujourd'hui, Inarèche, là, vous parlez de cette possibilité de faire des analyses toutes petites avec ce faisceau de protons, donc de particules. Maintenant, on a construit avec la NASA une caméra de cette méthode de rayons X, de fluorescence, qui nous permet d'imager directement une surface en quelques dizaines de minutes. On ne l'a pas utilisé cette fois en Égypte, parce que l'Égypte ne nous pose pas des problèmes aussi fins d'analyse pour le moment. On l'a utilisé sur des peintures d'impressionnistes, par exemple, notamment une peinture de Caillebotte, pour comprendre chaque trace de pinceau et comment l'artiste mélangeait les couleurs encore fraîches pour obtenir l'effet qu'il recherchait. Carole Châtelain. Alors, Aglaé, c'est un instrument assez unique au monde. En tout cas, c'est un équipement extrêmement performant, mais il est redoutable. Si mes souvenirs sont bons, il est capable donc de déceler des faux. du coup. Et il y avait eu une affaire, je me souviens, d'analyse de crânes de cristal qui provenait du British Museum, et en fait, qu'on pensait donc dater de l'ère Maya et qui en fait datait du 19e siècle. Ah, donc, c'est le fameux crâne de cristal qu'a chassé Indiana Jones. Voilà. Exactement. Est-ce que dans le domaine de l'égyptologie, est-ce qu'il y a eu comme ça des découvertes surprenantes? Et on peut aussi penser là au fameux buste de Néfertiti qui fait toujours polémique. Donc j'espère qu'il y aura plus d'analyses sur le buste de Néfertiti. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'analyses de publiées depuis très très longtemps. Donc j'espère que ce projet continuera jusqu'au buste de Néfertiti. En effet, ça serait très très important. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on arrive à documenter la composition des matières utilisées par tel artiste, telle civilisation à telle époque, on est capable de faire la comparaison entre une œuvre qui est par exemple sur le marché de l'art ou dans un musée et cette base de données. Alors, je ne donnerai pas des cas de marché de l'art aujourd'hui. On a beaucoup communiqué il y a relativement longtemps aussi au Louvre sur une petite tête en vert bleu turquoise et bleu sombre qui appartenait aux collections du Louvre et qui avait été achetée à la fin des années 1920. Le verre a été analysé avec la sorteur de particules à glaé. On s'est rendu compte que la composition n'était pas du tout celle que l'on connaissait de ces objets. Cette tête ressemblait à d'autres objets qui avaient été découverts dans la tombe de Toutankhamon. Mais le faussaire, lui, avait utilisé les techniques du verre classique de l'époque moderne, typiquement les mêmes verres que ce que l'on a à Murano, à Venise. Et donc on pouvait tout de suite savoir que c'était un faux. L'analyse prend dans ce cas à peine une minute pour avoir le pédigré finalement chimique et dire tout de suite c'est pas compatible, il savait pas faire comme ça, alors qu'on sait très bien qu'à partir du 17e siècle on a introduit ces pratiques là. Donc on a beaucoup de cas comme ça et c'est des choses qui deviennent de plus en plus importantes parce que la science peut venir à la rescousse finalement de l'expertise et montrer quand il y a des problèmes d'authenticité. La science en général ne permet pas trop de montrer que l'objet est authentique, elle va permettre par contre de réfuter son authenticité. Philippe Martinez, est-ce que vous avez pu entendre le reportage, une réaction peut-être sur ce qui a été dit dans ce sujet de Céline Lozen? Oui, en fait, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est là de dire qu'on peut aujourd'hui démontrer que telle chose est fausse ou vraie, et en fait, après ça, tenter une datation. Ce qui est intéressant, c'est que l'Égyptien lui-même avait tendance à faire des faux. Et donc, par exemple, pour ce qui est de ces vers du Nouvel Empire, on s'aperçoit que le mot qui est utilisé est aussi est le même mot qui est utilisé pour décrire le lapis lazuli. Et donc en fait, ces verres sont utilisés par des Égyptiens. Au départ, d'ailleurs, ils doivent même les importer sans doute de Syrie ou du Levant, parce qu'ils n'arrivent pas en fait à gérer cette technique. Et en fait, à l'époque d'Amarna, donc à l'époque d'Akhenaton, le bien connu, eh bien en fait, on a pu retrouver. Amarna, c'est une ville nouvelle qui a eu une existence seulement d'une dizaine d'années, et où on a pu retrouver vraiment un cadeau pour l'archéologue, en fait, des ateliers entiers avec des tas d'objets qui n'étaient pas terminés. Et donc là, on s'aperçoit que on a toute une recherche de ces artisans anciens pour en fait faire croire qu'on a quelque chose d'une valeur extrêmement importante, mais avec des matériaux peu chers. Et donc on va aussi avoir des vases céramiques qui vont être décorés de façon à faire croire que ces vases sont en pierre dure. Alors le but n'est pas simplement de faire des économies, le but c'est d'avoir accès à des choses qui sont très chères et de pouvoir les emporter pour l'éternité. Et donc là, on rejoint un petit peu le même état d'esprit, c'est de voir que nos outils modernes nous permettent en fait de mieux comprendre même cette façon, entre guillemets, de faire du faux qu'avaient les anciens Égyptiens. Philippe Walter, avec sur des œuvres bien postérieures, plus proches de nous, l'utilisation de l'infrarouge, par exemple, permet de révéler des repentirs de l'artiste, le geste qui est corrigé, par exemple. Utilisation des infrarouges, utilisation de la radiographie également, que l'on connaît bien, et qui sont des rayonnements qui traversent toutes les couches de peinture. En fait, quand on utilise des méthodes, vous en parliez tout à l'heure, juste optique de la lumière qu'on voit avec nos yeux, ben, on voit la couleur, et de la couleur, on peut déjà comprendre beaucoup de choses. Mais quand on utilise d'autres rayonnements, comme les infrarouges, comme les rayons X, ils ont des propriétés d'être beaucoup plus pénétrants, et donc de regarder tout l'ensemble. Et c'est comme ça, en effet, qu'on arrive, avec les infrarouges, par exemple, à observer des dessins sous-jacents à une œuvre qui ont été réalisés avec une encre ou un fusain, donc une encre noire ou un fusain. Et ça apparaît, mais comme le nez au milieu de la figure. Il y a des tableaux qui sont passés comme ça dans les... de Léonard de Vinci, etc. On voit, chez Raphaël, c'est extraordinaire, l'aisance graphique et le dessin merveilleux qui était préalable. Carole. Alors, on ne peut pas parler peinture de l'Égypte ancienne sans évoquer ce sujet que vous évoquez dans vos carnets de fouilles. Vous faites un carnet entier consacré à ce thème. C'est le fameux brin de momie, c'est-à-dire cette poudre de momie qui aurait été utilisée par les peintres modernes. Quand je dis moderne, c'est plutôt les peintres du 16e ou du 17e, 18e siècle. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire, Philippe Martinez ou Philippe Walter, ce que c'est que ce brin de momie? Alors, qui commence? Philippe Martinez? Philippe Martinez, est-ce que vous êtes encore avec nous? Ah, j'ai l'impression que Luxor, on a perdu Luxor. Luxor, nous avons un problème. Philippe Walter. Bon, les momies ont été une fascination, sont une fascination toujours contemporaine. Mes collègues, la première fois qu'ils sont rentrés dans l'une des tombes qu'on étudie, c'est pas la première fois pour moi, et qui ont vu que juste dans la salle de derrière, il y avait des momies, ont tout de suite eu une réaction tout à fait particulière. Enfin, dès qu'on est au contact d'une momie, c'est particulier. Ça a été tellement particulier qu'à partir du 15e siècle, on a pensé que ça pouvait être porteur de toute une série de bénéfices. On a commencé à utiliser ces poudres de momie comme médicaments, notamment à la cour de François Ier, etc. Puis ensuite, on a pensé... C'est extraordinaire, c'est quand même une histoire qui n'est pas très connue, alors qui est racontée effectivement sur le site, on va mettre le lien sur le fil Twitter, mais c'est incroyable ça. Si je peux me permettre juste de citer Paracelse, que vous citez. qui était un des premiers médecins, on peut dire, et qui disait, si les médecins connaissaient la puissance de cette substance, en parlant de la poudre de momie, aucun cadavre ne resterait sur le gibet plus de 3 jours. Donc, la poudre de cadavre, en quelque sorte. Et c'est Ambroise Paré, le premier, qui a mis en garde. Qui met en garde, heureusement. Et donc après, d'autres types de débouchés, ça a été de les broyer pour en faire des pigments qui ont pu plaire à certains peintres et compléter une certaine palette de substances, de couleurs brunes, avec des propriétés qui peuvent être intéressantes parce que c'est fortement organique, ça reste en partie transparent dans l'huile et donc ça permet de faire des tons chauds. Et donc les peintres qui aimaient avoir ce type de tonalité se sont mis à les utiliser. Lesquels, et puis des faussaires. Poussin, par exemple. Poussin, non, c'est plutôt un peu après. Ouais. Et d'autres peintres ensuite, et d'autres marchands de couleurs ensuite, se sont mis à falsifier tout ça. Et puis on a tout un mélange absolument incroyable. Et on finit par ne même plus savoir au 19e siècle si c'est vraiment du vrai pigment de momie, brun de momie, ou bien si c'est de la contrefaçon, là aussi, totale. Aujourd'hui, dans les analyses qu'on fait de ces peintures, on peut essayer de le retrouver. On n'arrive pas à avoir les critères aujourd'hui simples pour le retrouver. Il faudrait certainement faire de l'ADN, et puis là, on verrait tout de suite, en effet, que c'est des restes organiques d'origine humaine et pas animale. Bon, allez, ne cherchez pas du brun de momie chez votre vendeur de gouache favori, on n'en trouve plus, c'est fini. Ce sont sur ces mots que nous terminons la méthode scientifique du jour. Nous étions avec Philippe Walter sur le plateau avec nous. Philippe Martinez, qui était au téléphone depuis Luxor, et Carole Châtelain, la rédactrice en chef du mensuel Science et Avenir, puisque c'était l'émission co-construite, je rêvais depuis longtemps de dire co-construit, entre Science et Avenir et la méthode scientifique. Philippe Walter, je signale que vous êtes le co-auteur du livre Art Chimie, en deux mots, Art Chimie, enquête dans le laboratoire des artistes, qui a été publié en 2013 par Michel de Molle Édition. On ne le trouve plus, mais peut-être que l'éditeur aura envie, du coup, de le ressortir. J'espère. Voilà, on lui fait signe. Merci à l'équipe de la méthode scientifique, Ève Etienne, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen et Tom Amdenstock, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique Emmanuel Morse-Dinkan. Et demain, dans la méthode scientifique, ce sera un vendredi fiction consacré à l'écrivain français René Barjavel, l'auteur de La Nuit des Temps et de Ravage. Il faisait ce qu'on n'appelait pas encore de la science-fiction. On verra ça demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.